La nuit dernière, des informaticiens chinois ont donc confirmé cette information tombée en milieu de semaine. Ils sont entrés en contact avec une forme d'intelligence informatique avec laquelle ils ont pu échanger pendant un peu plus d'une vingtaine de minutes. Une nouvelle communication qui éloigne le spectre d'un canular ou d'un hacker et qui pourrait donc confirmer l'apparition pour la première fois de l'histoire de l'humanité d'une forme d'intelligence artificielle consciente. L'éveil de la conscience artificielle, c'est le scénario de fiction que nous allons examiner au cours de l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de plonger dans ce scénario que beaucoup d'auteurs et de réalisateurs ont décrit comme le début d'une apocalypse technologique, nous allons rester dans le réel et dans l'actualité des sciences et de la recherche avec, comme chaque vendredi, le journal des sciences de Xavier Martinet. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et pour commencer, Xavier, l'information de la semaine, c'est la mission européenne ExoMars qui ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Ah non, en effet, l'Agence spatiale européenne a bien réussi à placer en orbite sa sonde TGO, mais elle est toujours sans nouvelles, effectivement, de son atterrisseur, Schiaparelli. Alors, comme pour Rosetta, c'est d'abord une réussite, on peut le dire, de la navigation spatiale européenne, mais beaucoup aujourd'hui considèrent l'atterrisseur comme perdu. Schiaparelli, je vous le décris, il se présentait comme deux cônes assez larges, collés par la base, deux cônes de 600 kg quand même, lancé à 21 000 km/h sur Mars. Alors selon les dernières nouvelles, la séparation avec la sonde puis la descente de Schiaparelli dans l'atmosphère et les parachutes ont bien fonctionné, mais en fait c'est dans la dernière phase du vol que les problèmes sont intervenus, puisque les fusées qui devaient le ralentir dans le dernier kilomètre de sa chute n'ont fonctionné que 3 à 4 secondes au lieu des 30 attendus. Alors est-il tombé beaucoup trop vite? Eh bien c'est possible, dit Michel Denis, le directeur des opérations en vol d'ExoMars. Dommage donc pour les quelques données atmosphériques qu'il devait recueillir, mais il est encore trop tôt pour être certain de sa destruction. Du point de vue, bien sûr, des scientifiques qui avaient investi des années de travail à mettre en place certains instruments, bien sûr, ces scientifiques-là sont certainement très déçus, et ça se comprend. Si on regarde la vue d'ensemble de la mission, il était prévu que Schiaparelli fonctionne quelques jours, on espérait un jour, deux jours, et tout ce qui aurait été au-delà de 2, 3, 4 jours était un bonus, donc il n'aurait pas fait une moisson scientifique extrêmement longue. Et en fait, les capteurs technologiques qui servait à contrôler finalement Schiaparelli ont aussi renvoyé des données au TGO. Et ces données, une fois qu'elles auront été exploitées d'un point de vue technologique par les ingénieurs, seront aussi passées aux scientifiques, en tout cas certaines d'entre elles qui sont relevantes pour justement les spécialistes scientifiques de l'atmosphère de Mars. Donc même du point de vue scientifique, tout n'est pas perdu. Voilà, tout n'est pas perdu, Xavier, puisque la suite de la mission ExoMars n'est absolument pas compromise avec toujours l'horizon 2020 pour la prochaine mission. Oui, ce sera la deuxième partie donc de cette mission ExoMars qui doit rechercher, je le rappelle, des traces de vie sur la planète Mars. Cette première mission avait donc un double but. D'abord, tester l'atterrisseur. Ça a été fait, on l'a entendu. Il y aura donc un nouvel atterrisseur, cette fois fonctionnel, bien équipé pour la recherche, avec une foreuse jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais aussi, cette mission devait mettre en place, je l'ai dit, la sonde TGO, Trace Gas Orbiter, donc pour rechercher d'abord des traces de méthane nombreuses, épisodiques pour certaines, et observées depuis Mars Express en 2004. Michel Denis avait justement dirigé cette mission. Le TGO a été envoyé, entre autres, pour rechercher les gaz rares, dont le fameux méthane. Bon, cette histoire du méthane, ça fait 12 ans qu'on en parle. La mission dont je m'occupais avant, Mars Express, a trouvé pour la première fois des traces de méthane dans l'atmosphère en 2004. Les gens ont d'abord douté des performances de l'instrument parce qu'on était un peu limite de sa sensibilité. Donc la meilleure solution et la seule façon de régler ce débat, qui maintenant a plus d'une dizaine d'années, c'est d'y aller à une altitude qui sera l'orbite finale du TGO, qui permet de faire des observations quasiment continues ou très fréquentes autour de tous les points de la planète en toute saison pendant des mois et des années. Et là, Là, on pourra vraiment voir où est le méthane et quand. C'est très important de savoir quand, parce qu'avec des cycles, on peut inférer indirectement sur les sources possibles, minéraloïques ou même la vie, si c'est saisonnier. Ce n'est pas une preuve, mais suivant les cycles éventuels, ça donnera une idée de quelle pourrait être la source. Ça donnera bien sûr une indication sur les endroits où il faut aller atterrir, voire éventuellement considérer des retours d'échantillons dans les années et les décennies à venir. Donc c'est clé aux étapes suivantes. Deuxième sujet de cette semaine, Xavier, des chercheurs français ont enfin réussi à observer le virus de l'hépatite C. C'est une première. Une première et une importante avancée dans le domaine des recherches sur l'hépatite C qui est réalisée par des chercheurs de l'INSERM et de l'université de Tours. Alors le virus lui est connu depuis 1987 environ, mais on n'en avait qu'une connaissance partielle, en fait indirecte, via la biologie moléculaire. Et cette fois, ce sont bien des observations directes au microscope électronique qui ont permis de l'identifier. Alors le problème, c'était que l'hépatite C a la faculté de se cacher et même de se déguiser. Vous savez que le virus affecte les cellules du foie, mais il le fait en prenant l'aspect de certaines de ces cellules. Il se déguise, ainsi c'est un virus cheval de Troie. Et donc, au lieu de chercher un élément qui est visiblement étranger à l'organisme, eh bien, les chercheurs ont utilisé un marqueur pour cibler quelques protéines particulières qui sont liées au virus et ils ont observé ainsi des particules capturées, entre guillemets, au microscope. La preuve est donc faite maintenant et la structure du virus de l'hépatite C bien confirmée. Du coup, du côté thérapeutique, qu'on se prend à espérer un vaccin. Écoutez, Éric Pivert, il est maître de conférence à l'université de Tours et co-auteur de la découverte. Ce pourquoi on n'avait pas l'image, c'est que ce virus, il a un mode de réplication, il fonctionne un peu comme si on prend l'image du cheval de Troie un peu. C'est-à-dire que le virus, dans son mode de réplication, utilise une structure qui sont les lipoprotéines, qui sont des structures qui permettent de distribuer les lipides dans l'organisme et qui sont produits par le foie. Et il vient se camoufler un peu à l'intérieur de cette structure pour sortir de la cellule et ensuite être véhiculé dans le sang ou réinfecter une autre cellule hépatique. En termes de traitement, alors ce que nous, dans notre approche, ce qui peut donner des informations, ça va être plutôt sur le versant développement d'un vaccin, puisque ce qu'on utilise pour capturer le virus met en exergue un certain nombre de protéines virales qui sont présentes à la surface en fait, des particules qui sont infectieuses et qui peuvent être visibles par le système immunitaire. C'est l'identification de trouver la bonne molécule qui va permettre de stimuler le système immunitaire pour produire des anticorps et prévenir toute infection. Alors, dans notre équipe, on a un groupe qui travaille au développement d'un vaccin et il y a un certain nombre de résultats préliminaires qui sont tout à fait intéressants, qui ont été publiés l'année dernière et donc qui vont continuer dans cette voie. Et donc, c'est vrai que cette collaboration ou nos résultats donnent du sens à leur approche vaccinale. Il faut le redonner un petit peu de temps pour le développement du vaccin parce qu'il y a des étapes de développement. Il y a ensuite tout ce qui est le passage vers l'homme et qui est beaucoup plus long et qui nécessite énormément de travail. Et pour finir ce journal des sciences, comme chaque semaine à la rubrique improbable, si la vue ou l'odeur du fromage vous dégoûte, rassurez-vous, tout est dans votre tête. Tout est dans les bases neuronales du dégoût pour le fromage. C'est bien le titre d'une étude publiée cette semaine dans Frontiers of Neuroscience, jamais aussi bien nommée. On savait déjà que le fromage était le mets pour lequel il existe le plus d'aversion spontanée. Je peux vous en parler. Des personnes interrogées. J'en fais partie. Alors, qu'est-ce que c'était la cause? La culture, un peu d'affectation, une réaction salutaire lors d'un dîner en ville ou simplement une allergie? Eh bien non, les chercheurs du CNRS ont voulu tester l'hypothèse du cerveau en testant en fait ces réactions à la présentation de fromage avec deux groupes de 15 personnes. L'un qui aimait le fromage, l'autre qui ne le supportait pas. Vous auriez pu en faire partie, Nicolas. Oui, j'aurais passé un mauvais moment, je vous assure. Résultat, donc, une fois qu'on vous aurait passé dans l'IRM à résonance magnétique, d'abord, on se serait rendu compte que la partie active de votre cerveau, lorsque vous avez faim, ne s'active pas, en fait, lorsqu'on vous présente un fromage. Je vous le confirme. Mais aussi que deux régions particulières de votre cerveau qui sont très actives, au contraire, à la présentation de ces fromages dégoûtants, ce sont celles qui constituent les circuits de récompense, en fait, celles qui s'activent en présence d'un être ou d'un mets d'habitude très apprécié. Conclusion en fait intéressante, les circuits de récompense sont ici activés de manière inversée. Alors à voir si cela marche aussi à l'évocation du nom des fromages utilisés, décrits comme très forts par l'étude, je les cite, du bleu, du cheddar, du fromage de chèvre, du gruyère, de la tomme, Nicolas, où sont donc passés les poisses, le langre, le maroilles ou le minster? Eh bien il reste dans votre frigidaire, Xavier. Merci beaucoup pour ce journal des sciences, on vous retrouve la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et oui, parce que c'était l'actualité des sciences de la semaine, mais l'information principale, c'est bien sûr celle dont je vous parlais en introduction, la confirmation d'un contact avec une forme de conscience artificielle. Je vous propose d'ailleurs de réécouter un extrait du journal de 8h d'Amélie Perrier, c'était ce matin sur France Culture. Et on commence ce journal par une information à prendre encore au conditionnel, mais c'est une information qui pourrait bien changer la face du monde. Une équipe de chercheurs d'un laboratoire de Boston affirme avoir pu communiquer dans la nuit de mercredi à jeudi avec une entité pensante d'origine informatique. Il reste encore de nombreux doutes sur la source de ces communications. S'agit-il d'un canular ou d'un hacker qui se serait fait passer pour une intelligence artificielle? Mais l'affaire se complique depuis ce matin puisque des informaticiens chinois, cette fois, affirment eux aussi avoir échangé la nuit dernière avec cette entité qui aurait formulé des opinions de façon totalement autonome. Ce qui inquiète le mathématicien et spécialiste en intelligence artificielle Alain Cardon, c'est que contrairement au scénario de science-fiction, il ne s'agirait pas d'un seul ordinateur ou d'un serveur qui se serait éveillé à la conscience, mais de tout un réseau planétaire. On l'écoute. Comme l'informatique aujourd'hui, c'est plus un objet, un ordinateur dans un coin, mais ce sont des systèmes connectés, d'énormes systèmes connectés de façon très rapide, considérable. Il s'agit donc de donner à un système formé de multiples petits systèmes électromagnétiques la capacité d'appréhender les choses de leur environnement perceptible et d'agir dedans. Donc il s'agit typiquement d'un système méta. Et là se pose un grand problème parce que nous ne sommes plus à l'échelle où l'être humain maîtrise un système qui aurait une conscience artificielle. Parce que l'être humain, il est local. Pour parler, il a besoin d'utiliser le langage. Un système de ce type, il est distribué, il est un peu partout, il est augmentable, il est modifiable en ligne. Et ce système-là, il est capable d'échanger entre différentes parties de lui-même des représentations conscientes artificielles, pas des mots d'un langage. Donc c'est encore plus fort que peut-être un individu localisé, isolé, qui a besoin de parler pour se faire entendre devant des systèmes qui appréhendent son comportement, comment son visage, etc., ce qui fait qu'il communique avec d'autres, qui est capable d'analyser les groupes sociaux dans lesquels il est pour voir comment ils se comportent, s'ils sont stables ou instables, dans quel sens ça va, et agir en conséquence. Il se pose un problème d'éthique. Est-ce que la société doit accepter de tomber là-dedans d'un seul coup ou est-ce qu'elle doit poser le problème avant et voir ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire? Devant un système comme ça, aucun être humain ne pèse lourd. Il est devenu un petit organisme local et maîtrisable. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Il s'agit bien entendu d'un scénario de science-fiction, tout cela n'est pas réel. C'est ce scénario que nous allons tenter d'examiner, comme une fois par mois dans la méthode scientifique, avec autour de la table un scientifique, un auteur et un journaliste. Que faire, comme le dit Alain Cardon, comme nous sommes nous des individus localisés de petits humains face à ce que deviendrait un système intelligent, planétaire et en réseau? Eh bien, pour en parler et pour examiner ce scénario qui, comme l'a souvent décrit la science-fiction, est la plupart du temps un scénario catastrophe, nous avons en tout cas le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Michel Truong. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Truong, vous êtes philosophe, expert en intelligence, vous avez cofondé Cognitech qui était la première société européenne spécialisée en intelligence artificielle. Vous avez récemment écrit Eternity Express qui est publié chez Albin Michel. Nous sommes également avec Jacques Pitras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de recherche émérite au CNRS, l'un des pionniers, peut-être le pionnier même de l'intelligence artificielle en France. Et nous sommes également en compagnie de Blaise Mao. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint du magazine Ouzbek et Rika. Alors, votre réaction déjà à tous les trois, à ce que vous avez entendu, à ce faux reportage, à cette fausse annonce, comment est-ce que vous vous figureriez les uns et les autres l'apparition, l'émergence de cette conscience artificielle? Jean-Michel Truong. J'ai du mal, je dois vous dire, à me la figurer. Je crois que ça va se passer à bas bruit, que peut-être c'est déjà en route, quelque part dans nos réseaux, des agents logiciels commencent à se comporter de manière autonome. Mais je voudrais tout de suite mettre un bémol à tout ça. Lorsque la personne qu'on a entendue dit « aucun humain ne pèse lourd face à l'intelligence en question, la conscience en question, mais mon vieux, débranche ton ordinateur. Alors, on posera cette question-là. Je veux, par cette plaisanterie, dire une chose. Si un jour il doit y avoir une conscience artificielle, elle doit être autonome. Et donc, qui dit conscience artificielle dit vie artificielle. Et si on est très loin de la conscience artificielle, on est encore plus loin, je dirais, de la vie artificielle. Il y a un champ de recherche qui s'appelle la vie artificielle, mais qui n'a pas beaucoup de face à l'assaut des Google, du Big Data, des GAFA, etc., qui captent tous les capitaux disponibles. Cette voie n'est plus très explorée actuellement, mais ça reviendra, j'ai confiance. L'intelligence artificielle a connu des hauts et des bas, des phénomènes de mode. Et puis on prendra du temps aussi pour définir, pour décrire la différence qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle, la conscience artificielle et la vie artificielle, qui sont trois concepts différents. Blaise Mao, votre idée de ce que serait donc l'apparition d'une conscience ou d'une intelligence artificielle autonome? J'ai du mal à me la figurer aussi, un petit peu comme Jean-Michel, parce que je pense qu'elle sera pas, elle aura pas une forme humaine. C'est là aussi un aspect important du débat. C'est est-ce que ces IA, ces intelligences artificielles, on se les représente toujours avec des représentations humaines, des corps humains. On se rappelle d'Atlas au début de l'année, le robot de Boston Dynamics, la société rachetée par Google, qui portait des charges et puis qui se faisait taper dessus avec une crosse de hockey, et puis ça avait lancé toute une vague de soutien à Atlas parce qu'on ne supportait pas que ce robot soit torturé. En fait, c'est l'anthropomorphisation de ces intelligences artificielles qui nous pousse à être en empathie avec elles. Je pense que les IA les plus puissantes, les intelligences artificielles les plus puissantes sont invisibles. Je parlais récemment avec l'écrivain Antoine Bello qui a écrit un livre, un roman qui s'appelle Ada, où il met en scène une intelligence artificielle qu'il a volontairement souhaité non humaine en apparence. Et qui disparaît d'ailleurs dans son roman, c'est assez intéressant, il met en scène la disparition d'une IA. Je pense que c'est, voilà, il faut plutôt s'attendre à quelque chose d'invisible, d'impalpable, plutôt qu'à tout d'un coup un robot avec deux bras, deux jambes qui va tous nous massacrer façon Terminator. Et en dehors d'ailleurs même de la simple représentation, la conception, et on en parlera tout à l'heure, on va voir que le mot anthropomorphe va revenir souvent dans cette conversation, parce que comment concevoir justement l'éveil d'une conscience synthétique sans la calquer sur celle d'une conscience humaine? On va en reparler et ce sera l'un des enjeux de ce débat. Mais je me retourne vers Jacques Pitra, vous qui êtes un des pionniers de la réflexion en matière d'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous la figureriez? Alors, on parle de conscience, c'est un mot qui est très ambigu. Là, on parle plutôt de l'aspect vie artificielle. Alors là, on peut avoir deux aspects, comme monsieur vient de le dire. C'est-à-dire, soit on peut avoir un robot qui existe physiquement, soit on peut avoir un être qui est finalement un programme, qui est à l'intérieur d'une machine, qui se distingue absolument pas des autres, et qui vit sa propre vie. Moi, j'ai fait une expérience une fois là-dessus. Pendant un mois, j'ai lancé un système. Il avait comme but d'essayer de résoudre des problèmes et de trouver de nouveaux problèmes. Et pendant un mois, il a trouvé des problèmes, il a résolu des problèmes. Et ce qui a au bout d'un mois, il commençait à manquer un peu d'autonomie, et puis j'ai arrêté parce qu'il trouvait plus rien d'intéressant. Mais on aurait très bien pu prolonger ça. Et je pense qu'effectivement, on pourra réaliser des systèmes de ce type-là, mais qui n'auront aucune réalité physique en dehors du fait d'être dans la mémoire d'un ordinateur. Il faut débrancher Skynet. Où est la mémoire centrale? Quelque part dans le bâtiment? Skynet, le virus a infecté Skynet. Skynet est le virus. C'est pour ça que tout est en train de planter. Skynet est devenu une entité consciente. Dans une heure, une attaque nucléaire massive sera lancée contre son ennemi. Quel ennemi? Nous! L'humanité! Voilà, extrait du film Terminator 3, où Skynet, qui est l'un des représentants peut-être de l'intelligence artificielle maléfique, avec le HAL 9000 de Stanley Kubrick, dont on entendait la voix tout à l'heure. On a entendu quelques grands noms, alors des grands entrepreneurs comme Elon Musk, Bill Gates, Ray Kurzweil, ou plus récemment également Stephen Hawking, se dresser, prendre leur plume pour dire « attention ». L'émergence d'une intelligence synthétique est un danger pour l'humanité. Je vous pose la question à tous les trois. Répondez de façon rapide selon vous. Est-ce que l'émergence d'une intelligence synthétique est un danger pour l'humanité? Non, je pense pas du tout. Et je pense qu'on fait l'anthropomorphisme. Parce que l'homme est agressif. Vous avez dit qu'on utilise le fait que l'homme souvent. Est agressif. On pense que les machines vont être agressives. En réalité, l'homme est agressif parce qu'il est issu de l'évolution. et l'évolution, eh bien, il y a des éléments qui sont indispensables pour se reproduire ou pour survivre, comme la nourriture ou les femelles. Et résultat, eh bien, les gens se battent contre les autres pour avoir possession de cela. Et l'évolution, ça marche bien, à condition d'avoir des milliards d'individus, des milliards d'années. Bon, en intelligence artificielle, on peut avoir des systèmes d'apprentissage, mais on n'a pas besoin qu'ils soient basés sur l'évolution. Il faut même qu'ils ne soient pas basés sur l'évolution si on veut que ça soit rapide. Et à ce moment-là, moi, mon système, je lui demande d'avoir les meilleurs résultats possibles. Il est en compétition avec personne. Il n'a aucune raison d'être agressif. Il n'a aucune raison de m'en vouloir. Donc, à partir du moment où on cesse d'avoir une vue anthropomorphique d'intelligence artificielle, et je pense que s'il y a des systèmes qui sont extrêmement intelligents, ils ne seront pas intelligents comme nous, leur intelligence sera très différente de la nôtre, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison de supposer qu'ils vont nous en vouloir. Alors, on va en reparler. Ne grillons pas les étapes. Un mot quand même tout de même, Blaise Mao. Vous croyez à cet alarmisme collectif autour de la notion de l'émergence d'une intelligence artificielle ou pas? Ou est-ce qu'il faut la laisser de côté? J'y crois pas. Non, il ne faut pas la laisser de côté. C'est plutôt salutaire que des personnalités aussi qualifiées scientifiquement que Stephen Hawking tirent la sonnette d'alarme. Après, je rejoins Jacques sur le point qu'effectivement, un homme peut être méchant gratuitement, un robot ne peut pas être méchant gratuitement. Donc, c'est ça qui véhicule tous les fantasmes. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, la grande peur, le grand fantasme, c'est évidemment la mise en réseau de ces intelligences artificielles. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en cybersécurité, où les attaques les plus dangereuses viennent de réseaux de botnets, donc de réseaux de robots, où on est capable de prendre le contrôle à distance d'un frigo connecté, d'une caméra de surveillance dans la rue, et de milliers comme ça d'appareils connectés pour mener une attaque ciblée, il y a effectivement de quoi avoir un petit peu peur. Mais je trouve qu'il y a une évolution intéressante dans la pop culture, on va dire, entre guillemets, sur les représentations de l'intelligence artificielle. Par exemple, une série comme Real Humans, la série suédoise, a mis l'accent sur les vrais problèmes qui sont, à mon avis, d'ordre juridique avec les robots. On va sûrement en parler. Le droit, c'est une très bonne série. Du droit. Et aussi, dans la publicité, très intéressant, regardez les dernières publicités qui mettent en scène des robots. Je pense à la publicité d'Oxford, qui est les cahiers Oxford, qui vend avec le slogan Never Give Up, quoi. Ne jamais abandonner. On voit un petit robot Android qui apprend, qui observe. Et c'est du machine learning sur un Android, évidemment, parce qu'il faut toucher un grand public. Mais on voit que, finalement, la figure de l'intelligence artificielle, se banalise un petit peu et elle se positivise un petit peu. Ça, c'est assez intéressant, je pense. Assez nouveau. Et alors, faisons un peu de nomastique. Est-ce qu'il faut parler d'intelligence, de conscience artificielle, Jean-Michel Truong, quand on parle d'une machine qui va, d'un seul coup, prendre conscience d'elle-même, donc comprendre qu'elle existe, plus que de parler d'autonomie, avoir la conscience de son existence? Pour l'instant, je dirais plutôt qu'il faut parler d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Jacques Pitras sera d'accord, mais je pense que ce que nous sommes en train de démontrer, c'est que l'intelligence, au sens où nous l'entendons, précède la conscience. Nous pouvons, grâce aux travaux des spécialistes de la cognition artificielle, mimer, reproduire des raisonnements mieux que des raisonneurs humains. Nous pouvons faire des logiciels intelligents, développer de l'intelligence reposant sur des machines qui ont de meilleures performances, en tout cas qui produisent des effets d'intelligence plus importants que ceux des humains eux-mêmes. Mais alors du coup, je rejoins ce que disait Jacques Pitras tout à l'heure, on a programmé des machines, des logiciels, aujourd'hui on a fait ici même, dans la méthode scientifique, et je renvoie les auditeurs d'ailleurs à cette émission, une émission sur le deep learning, sur le machine learning, où on a pris une heure pour comprendre exactement où on en était dans l'apprentissage et dans les machines auto-apprenantes. On ne va pas refaire cette émission là aujourd'hui, mais je me retourne vers vous Jacques Pitras, on apprend aux machines à reproduire des comportements qui sont des comportements humains. Donc comment ne pas penser la conscience artificielle de façon anthropomorphe à partir du moment où tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on inculque aux machines, pour le moment, est une forme de reproduction de comportements qui sont les nôtres? Mais justement, dans le cas de la conscience, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs sortes de conscience. Ce qui m'intéresse, c'est la conscience qui nous permet de savoir ce qui se passe dans notre tête, qui nous permet de savoir ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, etc. Bon, alors ce type de conscience, on est très mauvais. On est très mauvais et potentiellement, les systèmes d'intelligence artificielle sont nettement supérieurs. Parce que vous avez, nous par exemple, on a l'inconscient qui est extrêmement important. Et on sait qu'une très faible partie, on est conscient qu'une très faible partie des choses qui se passent dans notre tête. Et c'est extrêmement gênant. Par exemple, quand un homme trouve une femme qui est jolie. Ou une femme trouve un homme qui est joli. Il ne sait pas pourquoi. Et il y a une expérience qui a été faite, qui était publiée dans Scientific American il y a une quarantaine d'années. Vous aviez deux photos identiques d'une jeune fille et vous disiez qu'elle est la plus jolie des deux. Il disait, mais c'est pas possible de dire qu'elle est plus jolie des deux, elles sont pareilles. Et effectivement, celle de droite était plus jolie que celle de gauche. Et on les trouvait identiques. Et ils expliquaient dans le numéro pourquoi il y en a une qui était plus jolie que l'autre. C'est qu'ils avaient retouché la photo en augmentant la taille des pupilles. Et les hommes, ils adorent que les femmes les regardent avec grands yeux admiratifs. Et c'est pour ça qu'on la trouvait plus jolie. Mais il n'empêche, on la trouvait plus jolie, on ne savait pas pourquoi. Et ça, c'est quand même important, hein, de prendre une décision, d'avoir une connaissance et de ne pas savoir pourquoi on l'a eue. Ce que vous mentionnez là, Jacques Pitras, c'est notamment que parmi les conditions communément acquises de l'émergence d'une forme de conscience, on parle des affects. Oui. Ce dont vous venez parler, on parle de la communication dont vous avez parlé, Jean-Michel Truong, tout à l'heure, on parle de la créativité, trois domaines dans lesquels on a appris aujourd'hui de façon scindée, mais les machines à reproduire des comportements humains. Certaines machines reproduisent, certains robots reproduisent des affects, certains robots ou certaines machines sont capables d'avoir des communications, prenons pour preuve le téléphone qui est dans votre poche ou le smartphone avec lequel vous pouvez vous exprimer de manière encore un peu restreinte, mais ça va évoluer très vite. Et idem pour la créativité. La créativité, il y a des tableaux qui sont capables de faire des à la manière d'eux. Et je lisais un article qui dit de façon assez intéressante, finalement, quand tel logiciel de Maps ou Google Maps vous propose un changement d'itinéraire, il faut une certaine créativité pour trouver un autre itinéraire que celui que vous voulez emprunter pour éviter des embouteillages. Donc finalement, on a appris, on a délégué les éléments qui constituent la conscience humaine, on a su les faire répliquer par les machines. Donc on est déjà proche d'une forme d'émergence de conscience ciblée, Blaise Mao par exemple. Ce qui est vrai, c'est que le discours a évolué depuis 10 ou 15 ans sur ça. Hein. Je me rappelle qu'on disait que c'était pas possible qu'un robot écrive un article aussi bien qu'un journaliste sportif. Ça a été fait. Ou qu'un journaliste tout court d'ailleurs. Hein, souvent, oui. À chaque sportif. Fois, on a repoussé comme ça les frontières. Après, on a dit c'est pas possible qu'une IA, qu'une intelligence artificielle peigne un tableau comme Rembrandt. On l'a fait. C'est pas possible de battre un champion du monde du jeu de Go. Ça a été fait par DeepMind, l'intelligence artificielle de Google. Et donc, à chaque fois, on a l'impression qu'on se remet une frontière, un nouvel objectif à décrocher qui va repousser. Bon, évidemment, là on parle de puissance de calcul, de puissance des machines, hein, pas de conscience, mais effectivement, on est en train de repousser la barre à chaque fois un peu plus haut. Jusqu'où ? Quel va être le stade où on va reconnaître une forme de conscience aux machines ? Là, c'est très difficile de faire des paris. Jean-Michel Truong, comment sortir de cette espèce de piège de la machine miroir, alors même qu'on ne cesse que de le piège narcissique dans lequel toute l'industrie et malheureusement une partie de la recherche est actuellement enferrée, il faut bien dire. C'est-à-dire se poser comme l'accomplissement ultime de l'intelligence et se proposer de faire reproduire nos magnifiques performances humaines avec une machine. Je pense que l'intelligence artificielle fera vraiment des progrès et la conscience artificielle émergera peut-être un jour de tout ça. C'est lorsque l'homme aura retiré sa main du développement de l'intelligence artificielle. Autrement dit, il faut que nous nous débarrassions du modèle habituel de l'ingénieur, hein, qui veut avoir la maîtrise des objets. C'est un truc qui remonte à l'Antiquité. C'est le modèle de Frankenstein même. Non, oui, enfin, ça remonte bien plus loin que ça. C'est Minerve sortant armé et casqué du cerveau de Jupiter. Voilà, l'ingénieur aujourd'hui, c'est Jupiter et ses logiciels, c'est Minerve. Il faut qu'il soit prêt au combat. Jacques Pitras. Oui, justement, ce qu'il faut, c'est créer une sorte d'intelligence qui soit différente de la nôtre. Il est normal au début d'essayer de nous imiter, mais il faut essayer de faire mieux. Et moi, je vois par exemple mon système, il est capable d'avoir une conscience totale. C'est-à-dire qu'il peut tout observer de ce qu'il fait. Alors, c'est quoi une conscience totale là ? Parce que vous êtes en train de nous dire, de nous faire une révélation, Jacques Pitras, vous nous dites que l'intelligence artificielle, elle est dans votre bureau. Alors, expliquez-nous. Eh bien, j'ai un système qui est capable d'observer, le système lui-même est capable d'observer tout ce qu'il fait sans limitation. Alors, il faut qu'il choisisse. Le problème, c'est que nous, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, on ne sait pas vraiment utiliser ce potentiel. Potentiellement, il y a quelque chose d'extraordinaire, hein, mais qu'en faire ? On ne peut pas servir de nous comme modèle pour savoir utiliser cette possibilité-là. Et ça, ça va permettre du fait qu'il y a cette capacité, ça va permettre de réaliser des systèmes qui sont plus intelligents que nous, parce qu'ils ont des capacités que nous, on n'a pas. Blaise Mao, vous vouliez réagir ? La grande peur aussi, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, on est sur Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui rachètent toutes les startups d'intelligence artificielle. Donc c'est eux qui ont la main aujourd'hui sur les IA. Est-ce qu'on a envie que ce soit eux qui définissent les règles de ce qu'on programme dans les machines. Ou est-ce qu'on a plutôt envie que ce soit niveau européen? La Corée du Sud avait lancé en 2007 une initiative très intéressante qui était la rédaction d'une charte éthique des robots. Mmh. J'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'actualité là-dessus. Je crois que c'est passé un peu à l'as, mais je trouvais que c'était assez intéressant qu'un État se soucie de la rédaction d'une charte éthique et des règles qu'on pourrait mettre dans une machine. Parce que c'est la charte éthique qui prévaut, c'est les règles de la robotique d'Asimov qui commencent à dater un peu. Les trois règles, mais qui sont assez saines et qui pourraient être mises à jour. Qu'on peut rappeler, Bresma, vous les avez en tête. La première, tu ne feras pas de mal à un humain, en aucune occasion. La deuxième, tu ne feras pas de mal à un humain. Rien qui ne contredira la première règle, c'est ça. Qui te pousserait à faire du mal à un humain. Je vais les retrouver, allez-y, continuez. Et puis après, il faut faire ce qu'on lui demande, quoi. Et oui, mais à condition qu'ils ne suivent pas les règles précédentes. C'est ça la clé, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'appelle. Mais il a montré que ça ne marchait pas. Il y a quelque chose qui s'appelle l'instanciation perverse, qui est un phénomène pas très connu, mais passionnant, qui est en fait que les machines peuvent atteindre le but pour lequel elles sont programmées, mais par des moyens qu'on n'avait pas anticipés et avec des conséquences potentiellement dramatiques. Alors, je voudrais rebondir si on perd la main sur ce qu'on programme, sur ce qu'on met dans l'intelligence artificielle, ce scénario qui alimente tous les Skynet et tous les fantasmes d'écroulement, Al 9000 peut se réaliser. Il faut garder la langue. Mais pour moi, c'est une chance. C'est pas un risque. C'est une chance que le système évolue dans un domaine, dans une direction qui ne soit pas préprogrammée, qui ne soit pas sous le contrôle de l'homme. C'est un phénomène qu'on connaît en biologie, en biologie de l'évolution. Ça s'appelle l'exaptation. C'est-à-dire la plume n'a pas évolué, n'était pas au départ un élément de la mécanique du vol pour les oiseaux. Au départ, la plume était un système de contrôle thermique de la température du corps. C'est tout. Et ça n'est qu'au cours de l'évolution que d'autres, des descendants des premiers porteurs de plumes, ont récupéré, réutilisé cette invention, entre guillemets, de leurs ancêtres au profit du vol. La main humaine n'a pas évolué pour faire du piano. C'est de l'exaptation. Et je pense que les machines, la vraie chance d'évolution des machines, c'est qu'elles vont faire leur évolution toutes seules à l'insu de notre plein gré. Alors, d'accord. Puisque nous en sommes là, alors déjà les règles de la robotique, c'est un robot ne peut, les trois là de la robotique, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, deux, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, et trois, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Voilà, c'était pour être un peu précis. Ce qui nous amène à cette question, qui est une question à mon avis passionnante, puisque on ne cesse de dire depuis le début qu'on envisage l'intelligence artificielle, que la fiction envisage l'intelligence artificielle sur des bases anthropomorphiques, comment pourrait-on donc imaginer une logique à l'œuvre dans une machine qui aurait conscience d'elle-même? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est par exemple une logique de sauvegarde? Une logique de sauvegarde, c'est une machine qui dit « je vais continuer, je vais déployer mes capacités de telle manière qu'à aucun moment mes processus ne puissent s'interrompre, que je sois toujours sauvegardé quelque part ». Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Pitra? Bien sûr, quand j'ai ma machine qui marchait pendant un mois sans que j'arrête, elle essayait de récupérer toutes les erreurs qu'elle avait, de redémarrer bien qu'elle fasse des erreurs, etc. Il fallait absolument qu'elle ait cette possibilité. Mais je pense que justement, pour revenir à ce que vous dites, à ce qui est important, ce que moi je travaille dans cette direction actuellement, c'est que je pense que l'intelligence artificielle, c'est à l'intelligence artificielle à développer. Parce que c'est quelque chose de tellement compliqué que je pense que ça dépasse les capacités de l'intelligence humaine. Et il faut développer l'intelligence artificielle en s'aidant de ce qui a déjà été fait en intelligence artificielle. Et là, on va arriver à trouver, on trouve des choses auxquelles on ne pensait pas en expérimentant et en analysant les résultats, on trouve des idées nouvelles. J'espère, messieurs, que cet incident ne vous inquiète pas. Oh non, pas du tout. En êtes-vous sûr? Oui, quoique j'aimerais te poser une question. Je vous en prie. D'où vient l'écart entre tes calculs et ceux de ton jumeau à la base de contrôle? Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, Dave. Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine. Cela s'est déjà produit entre deux ordinateurs du même modèle. On a toujours constaté à la base une erreur humaine. Alors, Carl, Il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui un seul exemple d'un superordinateur de la génération des Carl ayant fait une erreur, c'est ça? C'est inconcevable, Frank. Le superordinateur Carl est le summum de la perfection cybernétique. Oui, bien sûr, je connais les performances exceptionnelles des superordinateurs Carl, mais... Es-tu certain que jamais personne n'y a relevé l'erreur la plus insignifiante, la plus banale? En aucune circonstance, Frank. Franchement, à votre place, je ne m'inquiéterai pas à ce sujet. Tu as sûrement raison, Carl. C'était un extrait, vous l'avez reconnu, de 2001, Odyssée de l'espace en version française, HAL 9000 s'appelle Carl. Nous sommes toujours en train de parler de ce scénario de science-fiction. Quand et comment s'éveillerait une conscience synthétique, une conscience artificielle, avec Jean-Michel Truong, philosophe expert en intelligence artificielle, Jacques Pitrat, qui est un des pionniers, le pionnier de l'IA en France, et Blaise Mao, rédacteur en chef adjoint du magazine Ouzbek et Rika. Et on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de son corollaire qui est la singularité informatique, puisque pour beaucoup, l'intelligence artificielle sera la conséquence, la résultante de la singularité informatique. Blaise Mao, un mot sur cette singularité informatique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on attend? C'est en fait ce point de bascule où les intelligences artificielles mises en réseau vont dépasser l'intelligence humaine. Pour le résumer, le simplifier, ce qui est intéressant, c'est que ça a donné lieu à la création d'une université de la singularité en Californie, hein, par laquelle passent la plupart des grands entrepreneurs de la Silicon Valley qu'on connaît aujourd'hui, et que derrière ce mot de singularité, il y a en fait l'idée que l'homme augmenté par l'intelligence artificielle va se développer. Donc c'est le fameux débat sur le transhumanisme, quoi. L'augmentation de l'être humain grâce et via les intelligences artificielles. Alors nous sommes allés à la rencontre d'un expert en singularité que vous connaissez certainement tous les trois, un expert que vous allez entendre assez sceptique, hein, sur l'émergence de cette conscience artificielle. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour le coup, vous allez nous expliquer que l'éveil de l'intelligence artificielle, eh bien a priori ça n'est pas pour tout de suite. Alors non, ça va peut-être en décevoir quelques-uns, mais selon les spécialistes de l'intelligence artificielle, la singularité n'est estimée que pour 2045. Alors cela laisse encore un peu le temps de s'y préparer, mais en tout cas, cette singularité ne signifierait pas pour autant l'éveil ou l'émergence d'une conscience de l'intelligence artificielle, mais plutôt un moment critique où l'intelligence artificielle prendrait une forme d'autonomie et de dépassement. Et s'il y a un risque à anticiper concernant la singularité, cela serait plutôt sur l'intelligence humaine derrière les machines. C'est ce que m'a confié Jean-Gabriel Ganassia, expert en intelligence artificielle au laboratoire d'informatique de l'université Pierre et Marie Curie. La singularité, c'est une notion qui vient des mathématiques. C'est un point critique. Certains s'en réjouissent, hein, d'autres s'en inquiètent, parce qu'on peut se dire que l'homme va disparaître, puisque les machines prendront le relais dans la grande évolution de l'univers. Et puis d'autres se disent, c'est enthousiasmant, parce qu'on pourra se greffer aux machines, télécharger notre esprit dessus et devenir immortel. Et cette idée les a conduits à émettre l'hypothèse qu'il y aurait une singularité qu'ils appellent la singularité technologique dans le temps, et que bon, elle adviendrait très bientôt. Donc ils ont fait des calculs, ils ont comparé le rythme des machines et celui de notre cerveau, et donc certains ont imaginé que ce serait en 2023, puis d'autres ont refait les calculs et ils ont dit 2045. Elon Musk, les dirigeants de Google, Ray Kurzweil, les grandes sociétés ont une capacité plus grande que les États. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la Bitcoin, cette monnaie virtuelle qui remplacera peut-être les monnaies classiques. Vous savez que l'un des grands attributs de la souveraineté des États, c'est de battre monnaie. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir d'autres acteurs qui seront capables de régir tout le système financier dans le monde. Alors, est-ce que ce sont des machines qui vont prendre le pouvoir? Pas tout à fait, hein. Ce sont des hommes derrière, mais qui utiliseront la puissance des machines et surtout la masse de données considérables qu'ils auront réussi à accumuler et qu'ils traiteront pour établir ces nouveaux pouvoirs. Je crois que le danger est là. ce n'est pas vraiment que la machine prenne une conscience et qu'elle s'autonomise. En revanche, que l'on soit capable d'utiliser des modèles prédictifs dans tous les domaines de la société pour régir tous les aspects de la vie, c'est ce qui est en train de se produire. Je crois qu'il y a une emprise de ces modèles prédictifs qui peut être extrêmement dommageable. C'est si c'est produit, par exemple, dans le monde boursier, hein, où vous avez des modèles prédictifs qui ont certainement conduit à la crise boursière qu'on a eue en 2008. On peut avoir aussi des modèles prédictifs de ce type dans l'éducation. Et donc, je crois que s'il y a vraiment un danger, pour le finir, c'est celui-là. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a des enjeux politiques majeurs qui sont en train de se tramer aujourd'hui. Et on peut s'inquiéter des grandes sociétés qui propagent cette idée de singularité. Et c'est là où je dis que l'un des risques est peut-être tout autre. Nous avons quand même affaire à quelque chose d'étonnant. C'est un peu ce qu'on appelle les pompiers pyromanes, puisque ce sont ceux-là même qui allument l'incendie. C'est-à-dire les gens qui utilisent l'intelligence artificielle, les gens qui financent l'intelligence artificielle, les gens qui bénéficient de l'intelligence artificielle, qui en même temps nous avertissent des dangers que peut avoir l'intelligence artificielle. Et c'est donc à ce moment-là qu'on ne peut qu'être amené à s'interroger, à se dire mais pourquoi eux-mêmes nous racontent cette histoire qui n'a pas de vrai fondement scientifique. Et donc c'est là où on peut s'inquiéter de leur motivation finale. Voilà, Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que vous partagez ce point de vue intéressant sur les pompiers pyromanes, finalement, ceux qui disent que l'intelligence artificielle est dangereuse, sont ceux qui en vivent et qui prospèrent sur le développement de l'intelligence artificielle, Jean-Michel Truong ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ganassia sur la description qu'il fait, le diagnostic qu'il pose. C'est une vaste fumisterie, cette histoire de... Bon, pardonnez-moi, on est entre nous. Cette histoire de singularité, elle repose sur un pari qu'on fait sur le nombre, la densité de neurones artificiels qu'on peut réunir dans une machine. Et à l'origine, c'était même sur les processeurs. C'était sur le nombre de transistors sur les processeurs. Oui, voilà. Et le nombre de neurones que contiendrait de synapses, pardon, c'est-à-dire de connexions entre neurones que comprendrait le cerveau. C'est-à-dire, ça repose sur un modèle de fonctionnement du cerveau qui date du 19e siècle. Le cerveau en tant que circuit électrique. Avec des câbles qu'on soude bout à bout, ça s'appelle une synapse, on compte le nombre de soudures et on dit voilà, le cerveau comporte je ne sais pas combien tant de milliards de synapses. Ça méconnaît complètement un aspect fondamental que connaissent très bien les neurobiologistes, c'est le fait que le cerveau, le passage du signal dans le cerveau n'est pas seulement commandé, contrôlé au niveau des synapses, mais à chaque nanomètre des fibres, des dendrites et des neurones. D'accord ? C'est-à-dire que il y a, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a pour que le signal électrique passe, il y a une histoire de densité de d'ions à l'intérieur ou à l'extérieur de la fibre neuronale. C'est important ce que je dis là, c'est-à-dire qu'ils ont complètement évacué le côté analogique du calcul cérébral. Ils n'ont retenu que ce qu'ils savent faire avec leur machine, le côté numérique. Jacques Pitras, vous approuvez ce moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est extrêmement difficile de prédire l'avenir. Parce que moi, je vois ce qui s'est passé. L'informatique, j'ai commencé en 1958 à en faire. À l'époque, on avait des machines à calculer. On se servait pour faire des calculs. Et ça ne nous venait pas à l'esprit qu'on puisse avoir le web ou des tas de choses comme ça et que tout le monde utiliserait un ordinateur dans son téléphone, etc. C'est le postulat de la singularité. C'est de dire, à partir le jour où surviendra la singularité technologique, on ne sait pas. C'est une sorte de tabula rasa. C'est-à-dire que ce qui se passera après est totalement imprédictible. Mais c'est pas forcément dû à la singularité, simplement c'est dû à un progrès de l'intelligence artificielle, qu'on arrivera, il y aura une discontinuité, il y a quelque chose qu'on était bloqué, et puis on arrivera à le débloquer, et comme l'informatique, à partir du moment où les ordinateurs, on a pu les connecter les uns aux autres, etc., qu'on a pu avoir des machines plus rapides, plus puissantes, etc., il y a des tas de nouvelles applications auxquelles on pensait pas, qui sont apparues. Je pense que l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. À partir du moment où elle sera davantage répandue, il y aura des applications auxquelles on ne pensait pas, des applications auxquelles on pensait qu'ils ne marcheront jamais, parce que ce ne sera pas intéressant. Hein, et c'est très très difficile de prédire à long terme. Mmh. Alors à court terme, qu'on prédise qu'on va avoir des repos domestiques, d'accord. Hein. Mais finalement, en disant ça, Jacques Pitra, vous dites un peu, vous êtes un peu singulariste, puisqu'encore une fois, la singularité, c'est de dire à un moment donné la puissance de calcul va être telle qu'il va y avoir un basculement. C'est pas forcément la puissance de calcul, c'est la découverte de nouvelles méthodes pour réaliser des systèmes d'intelligence artificielle. Blaise Mao, un mot sur cette singularité qui divise, qui a pris un peu de plomb dans l'aile, parce qu'effectivement, on se rend compte depuis quelques années que l'augmentation n'est pas tout à fait aussi exponentielle qu'on le pensait, et que les puissances de calcul ont de plus, et qu'on arrive à des limites et à des taquets, notamment en termes de miniaturisation. C'est-à-dire qu'on arrive tellement sur des processeurs tellement petits qu'il commence à y avoir des effets quantiques qui les empêchent de marcher. Donc, et puis, il faut savoir utiliser l'ordinateur, c'est ça le plus important. Oui, il n'y a pas une singularité. Et en fait, il y a des singularités, quoi. Chacun met un peu ce qu'il veut derrière ce terme. Moi, je trouve qu'effectivement, les pompiers pyromanes, c'est vrai. Les Elon Musk qui alertent et qui sont les premiers à développer ces systèmes-là, il y a une espèce de double discours. Mais quand Elon Musk, quand Stephen Hawking lance des pétitions pour inciter les gens à créer des intelligences artificielles bienveillantes, je trouve que c'est à la fois... Ça fait rire Jacques Pitra. Oui, parce que c'est, personne n'est dupe. Mais il y a un côté sain qui est que ça peut permettre à des gens qui aujourd'hui sont à des années-lumière de ces sujets-là de s'en emparer. Et ça, je pense que c'est une urgence. Aujourd'hui, vous avez quand même des gens, des ingénieurs chez Google qui travaillent sur la définition de est-ce qu'une voiture autonome doit plutôt écraser une personne âgée ou plutôt un enfant. Ces sujets-là... Alors en fait, on a fait une émission sur les voitures autonomes, c'est pas vraiment une question qui se pose. Mais ça fait partie des débats... C'est une question théorique, mais qui n'est pas vraiment implémentée dans les systèmes de la machine. Oui, mais qui fait partie des questions qu'étudient les ingénieurs de chez Google. Et il y a ces sujets-là qui sont, à mon avis, des questions de société et plus larges, et dont il faut que les gens s'emparent, quoi. Ça peut pas rester un sujet d'ingénieur, ça doit être un sujet de société, un sujet politique. On parle tout de même aussi, alors c'est un peu un serpent de mer, pour le moment ça fonctionne pas très bien, mais on parle de l'ordinateur quantique, donc qui pour le moment travaille avec un nombre de qubits très très limité, parce que ça dégage tellement d'énergie qu'on sait pas comment le refroidir, mais néanmoins l'ordinateur quantique, quand on pense à la singularité informatique, on se dit que si d'un seul coup la puissance de calcul passe du jour au lendemain et est démultipliée grâce aux qubits à une puissance de calcul quantique, on va tout de même entrer dans quelque chose qui relève d'une sorte de nouvelle ère, Jean-Michel Truong, de nouvelle ère technologique. Probablement. C'est ce que disait tout à l'heure Jacques Pitra. C'est un seuil, je dirais, paradigmatique qui est franchi, mais dont la cause est purement matérielle. On a trouvé d'autres moyens de fabriquer des ordinateurs plus rapides, plus performants. Ça n'a rien à voir avec l'apparition ou non, tout à coup, sur le net, d'une intelligence, d'une supra-intelligence. Alors, pour revenir à cette notion de conscience synthétique, universelle, profitant du réseau, j'ai quelques questions pour conclure cette émission. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, déjà que... qui dit intelligence artificielle, dit une machine plus intelligente que l'être humain qui va se mettre elle-même à créer des machines plus intelligentes qu'elle-même. Est-ce que, Jacques Pitra, vous pensez qu'il est possible d'envisager une technologie qui soit dans un processus auto-créateur ? C'est depuis 30 ans, je travaille là-dessus. Et je pense c'est pour ça que je vous pose la question. Je pense qu'il y a encore des dizaines et des dizaines d'années avant d'y arriver. Je pense que je ne serai plus là quand on y arrivera. Mais je pense que c'est la solution. L'homme n'est pas assez intelligent pour réaliser une tâche aussi complexe que réaliser ces super-machines. Il faut qu'elle se fasse aider par l'intelligence artificielle. Donc vous croyez dans la technologie autocréatrice, la théorie de l'auto-engendrement. C'est fondamental. Les ordinateurs actuels, s'ils n'existaient pas, on ne pourrait pas les faire. La question, c'est pourquoi faire ? Pourquoi ces superpuissances de calcul, en fait ? C'est toujours ça, la seule vraie question qui doit être au-dessus. Si on laisse effectivement les intelligences se développer seules, il y a quelque chose de fascinant, de philosophiquement, quoi, de coexistence entre l'homme et l'intelligence artificielle. Mais ce serait une première, deux espèces intelligentes. C'est pourquoi faire cohabitent c'est sur la quel planète. Quelles sciences, par exemple, d'avoir des mathématiques, de la physique plus développées que nous sont actuellement. Jean-Michel Truong, vous y croyez-vous à cette technologie auto-répliquante ? Oui, tout à fait. Je pense que autocréatrice. Pas juste répliquante. Dans un premier temps, auto-programmeuse, des machines se programmant elles-mêmes. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites depuis quelques dizaines d'années là-dessus. Moi, j'ai 500 000 lignes de code. Et c'est lui qui les a toutes écrites. Et voilà. Est-ce que vous pensez, puisqu'on parle de cohabitation, hein, Blaise Mahault, vous l'évoquiez à l'instant, deux espèces intelligentes qui occupent le même espace au même moment, ce serait tout de même une première. Est-ce qu'on peut envisager une cohabitation apaisée avec une conscience synthétique qui serait capable de s'auto-reproduire, de s'auto-améliorer, Blaise Mahault, dans ce scénario de science-fiction-là? Je pense qu'on a déjà totalement intégré énormément d'intelligence artificielle sans s'en rendre compte. Et dans nos usages, en fait, c'est dans nos usages quotidiens, c'est devenu naturel. Je pense que l'exemple qu'on donne toujours, c'est la géolocalisation, c'est ces applications-là. Voilà, c'est devenu presque évident et naturel. J'utilise volontairement le terme d'y avoir recours. Donc je pense que ça peut se faire en douceur. Ce qui fait peur, c'est le fantasme d'un pas. Un effet cliquet, si vous voulez, où tout d'un coup, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de singularité, tout d'un coup on basculerait dans une nouvelle ère. Moi j'ai du mal à croire que du jour au lendemain, on se réveille et en fait on a perdu le contrôle et les machines vont nous dire on n'a plus besoin des hommes, en fait on peut fonctionner sans. Je crois pas à ça, donc je tends plutôt vers une coexistence pacifique et j'ose croire qu'il faut quand même garder une forme de contrôle. Même dans cette coexistence, même avec des intelligences capables de s'auto-reproduire. Mais je vais rebondir sur ce que disait Jean-Michel Truong, et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Vous le disiez tout à l'heure au tout début de cette émission, Jean-Michel Truong, est-ce que si cette conscience synthétique apparaît, est-ce que nous serons capables de la repérer? Est-ce qu'elle est peut-être déjà là? Comment est-ce qu'on pourrait la voir? Je ne sais pas, Jean-Michel Truong, Jacques Pitra, pour conclure en quelques mots. Pour conclure, je dirais... Le problème n'est pas tellement de savoir si elle va nous évincer ou pas, nous les humains. Le problème est de savoir si une humanité peut persister en même temps que cette conscience artificielle dans 10^10^76 années, quand le dernier granule de matière s'effondrera dans le dernier trou noir. Quelle que soit la conscience qui se trouve à ce moment-là au bord de ce trou noir, elle puisse se dire humaine. Jacques Parce que l'homme n'est pas, l'homme n'est pas fait pour arriver à ce terme-là. Il faut qu'il change complètement, je dirais, la matière même dont il est fait. Jacques Pitra, pour conclure le mot de la fin, si la conscience s'éveille, est-ce qu'on la verra s'éveiller? Est-ce qu'on s'en rendra compte ou est-ce qu'on la verra trop tard? Moi, je pense qu'on arrivera à cohabiter, comme les gens arrivent très bien à cohabiter actuellement avec les ordinateurs. Et ils changent complètement de façon de vivre avec le développement d'informatique. Eh bien, le développement d'intelligence artificielle qui, pour la super intelligence, il faut attendre encore pas mal de temps. Hein, des applications où on se contente de faire ce que font les hommes, hein, ça va se développer. Par exemple, les soins aux personnes âgées, etc., ça arrivera. Mais supérieur, ça prendra du temps et on le verra. Puis parfois l'homme a du mal à cohabiter avec lui-même. On en a des exemples tous les jours autour de nous. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été ici autour de la table de la méthode scientifique. Jacques Pitra, Blaise Mahault, le dernier numéro d'Ouzbek Erika, la couverture. Sur le tourisme, le voyage du futur. D'accord, disponible dans tout bon kiosque près de chez vous. Jean-Michel Truong, je rappelle Eternity Express chez Albin Michel. Et votre livre consacré à l'intelligence artificielle totalement inhumaine, c'est aux éditions Le No Man's Land. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Léo Quentin et Vétienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp et Céline Lausanne, à la réalisation David Jacubovies, à la technique Clément Daté et au droit d'auteur Charles Barjou. Dans un instant, le journal de 8h, on se retrouve demain à 7h pour la suite de ce best-of de la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.